Section 56 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 56. L'abbé Constantin. Par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 8. 3 semaines se sont écoulées. Jean, le lendemain, doit partir avec son régiment pour les écoles à feu. Il va vivre de son existence de soldat. 10 jours d'étape sur les grandes routes pour l'aller et le retour. Et 10 jours sous la tente, au camp de Cercotte, dans la forêt d'Orléans. Le régiment rentrera à Souvigny le 10 août. Jean n'est plus tranquille. Jean n'est plus heureux. Le moment de ce départ, il le voit venir avec impatience et en même temps avec effroi. Avec impatience, car il souffre un véritable martyr. Il a hâte d'y échapper. Avec effroi, car pendant ces 20 jours, sans la voir, sans lui parler, sans elle enfin, que deviendra-t-il? Elle, c'est Bettina. Il l'adore. Depuis quand? Depuis le premier jour. Depuis cette rencontre au mois de mai, dans le jardin du curé. Voilà la vérité. Mais Jean lutte et se débat contre cette vérité. Il croit n'aimer Bettina que depuis ce jour où tous deux causaient gaiement, amicalement, dans le petit salon. Elle était assise sur le divan bleu, près de la fenêtre, et tout en bavardant, s'amusait à réparer le désordre de la toilette d'une princesse japonaise. Une poupée de Bella qui traînait sur un fauteuil et que Bettina, machinalement, avait ramassée. Pourquoi la fantaisie vint-elle à Miss Percival de lui parler de ces 2 jeunes filles qu'il aurait pu épouser? La question, d'ailleurs, ne l'avait nullement embarrassée. Il répondit que s'il ne s'était senti alors aucun goût pour le mariage, c'est que ses entrevues avec ces 2 jeunes filles ne lui avait causé aucune émotion, aucune agitation. Il souriait en parlant ainsi, mais quelques instants après, il ne souriait plus. Ses émotions, ses agitations, il apprenait soudainement à les connaître. Jean ne se fit pas d'illusions. Il se rendit compte de la profondeur de la blessure. Elle avait porté en plein cœur. Jean, cependant, ne s'abandonna pas. Ce jour-là même, en partant, il se disait « Oui, c'est grave, très grave, mais j'en reviendrai. » Il cherchait une excuse à sa folie. Il s'en prenait aux circonstances. Cette délicieuse fille, depuis 10 jours, avait été trop à lui seul. Comment résister à une pareille tentation? Il s'était grisé de son charme, de sa grâce, de sa beauté. Mais le lendemain, 20 personnes allaient arriver au château, et ce serait la fin de cette dangereuse intimité. Il aurait du courage, s'écarterait, se perdrait dans la foule, verrait Bettina moins souvent et de moins près. Ne plus la voir, il n'y pouvait songer. Il voulait rester l'ami de Bettina, puisqu'il ne pouvait être que son ami, car il était une autre pensée, qui n'entrait même pas dans l'esprit de Jean. Cette pensée ne lui paraissait pas extravagante, elle lui paraissait monstrueuse. Il n'y avait pas au monde de plus honnête homme que Jean, et l'argent de Bettina lui faisait horreur, positivement horreur. La foule, en effet, à partir du 25 juin, avait envahi Longueval. Madame Norton était arrivée avec son fils Daniel Norton, et Madame Turner avec son fils, Philippe Turner. Tous deux, le jeune Daniel et le jeune Philippe, faisaient partie de la fameuse confrérie des 34. C'étaient d'anciens amis. Bettina les avait traités comme tels et leur avait déclaré, avec une pleine franchise, qu'ils perdaient absolument leur temps. Ils ne se décourageaient pas cependant et formaient le centre d'une petite cour fort empressé, fort assidu autour de Bettina. Paul de Lavardenne avait fait son entrée en scène et était devenu très rapidement l'ami de tout le monde. Il avait reçu cette éducation brillante et compliquée d'un jeune homme qui se destine au plaisir. Dès qu'il ne s'agissait que de s'amuser, cheval, croquet, lawn tennis, polo, danse, charade et comédie, il était prêt à tout, il excellait en tout. Sa supériorité éclata, s'imposa. Paul devint, de l'assentiment général, le directeur et l'organisateur des fêtes de Longueval. Bettina n'eut pas une minute d'hésitation. Jean venait de lui présenter Paul de Lavardenne, et celui-ci achevait à peine le petit compliment de rigueur que Bettina, se penchant vers Suzy, lui disait à l'oreille, le 35e. Elle fit cependant bon accueil à Paul, et si bon accueil que celui-ci, pendant quelques jours, eut la faiblesse de s'y méprendre. Il crut que ses grâces personnelles lui valaient cette très aimable et très cordiale réception. C'était une grande erreur. Il avait été présenté par Jean. Il était l'ami de Jean. Aux yeux de Bettina, tout son mérite était là. Le château de Madame Scott était ville ouverte. On n'était pas invité pour un soir, mais pour tous les soirs. Et Paul, avec enthousiasme, s'était mis à venir tous les soirs. Son rêve était réalisé. Il retrouvait Paris à Longueval. Seulement, Paul n'était ni sot, ni fat. Sans nul doute, il était de la part de Miss Percival, l'objet d'attention et de faveur toute particulière. Elle se plaisait à causer longuement, très longuement, seule à seule avec lui. Mais quel était l'éternel, l'inépuisable sujet de ses conversations ? Jean, encore Jean, toujours Jean. Paul était léger, dissipé, frivole, mais il devenait sérieux dès qu'il était question de Jean. Il savait l'apprécier, il savait l'aimer. Rien ne lui était plus doux, rien ne lui était plus facile que de dire de son ami d'enfance tout le bien qu'il en pensait. Et comme il voyait que Bettina prenait grand plaisir à l'écouter, Paul donnait libre cours à son éloquence. Seulement, Paul, et c'était bien son droit, voulut un soir avoir le bénéfice de sa conduite chevaleresque. Il venait de causer pendant un quart d'heure avec Bettina. L'entretien terminé, il s'en était allé trouver Jean, de l'autre côté du salon, et lui avait dit « Tu m'as laissé le champ libre, et je me suis lancé intrépidement sur Miss Percival. Eh bien, tu n'as pas lieu d'être mécontent du résultat de l'entreprise. Vous voilà les meilleurs amis du monde. » « Oui, certainement. Ça va, et ça ne va pas. Il n'y a rien de plus aimable et de plus charmant que Miss Percival. Mais enfin, j'ai du mérite à le reconnaître, car là, entre nous, elle me fait jouer un rôle ingrat et ridicule, un rôle qui n'est pas de mon âge. J'ai l'âge des amoureux, moi. Je n'ai pas l'âge des confidents. » « Des confidents ? Oui, mon cher, des confidents. Voilà mon emploi dans cette maison. Tu nous regardais tout à l'heure. Oh, j'ai de bons yeux, tu nous regardais. Eh bien, sais-tu de quoi nous parlions ? De toi, mon cher, de toi, rien que de toi. Et c'est la même chose tous les soirs. Des questions à n'en plus finir. Vous avez été élevés ensemble ? Vous avez pris des leçons tous les deux avec l'abbé Constantin. Il sera bientôt capitaine. Et après, commandant. Et après, colonel, etc., etc. Ah, Jean, mon ami Jean, si tu voulais faire un beau rêve. » Jean se fâcha, s'emporta presque. Paul fut très étonné de cet accès de brusque irritation. « Qu'est-ce que tu as ? Il me semble que je n'ai rien dit. Je te demande pardon. J'ai eu tort. Mais aussi, pourquoi te passe-t-il par la tête une idée tellement absurde ? Absurde ? Je ne vois pas. Je l'ai bien eue, pour mon propre compte, cette idée absurde. Ah, toi ! Comment ? Ah, moi, si je l'ai eue, tu peux l'avoir. Tu vaux mieux que moi. Paul, je t'en supplie. » Le malaise de Jean était évident. « N'en parlons plus. N'en parlons plus. Ce que je voulais dire, en somme, c'est que Miss Percival me trouve bien gentille, bien gentille, bien gentille. Mais quant à me prendre au sérieux, jamais elle ne me prendra au sérieux, cette petite personne-là. Je vais me rabattre sur Madame Scott, sans grande confiance, vois-tu, Jean. Je m'amuserai dans cette maison-là, mais je n'y ferai pas mes frais. » Paul se rabattit sur Madame Scott, mais dès le lendemain, il eut la surprise de se heurter à Jean. Celui-ci, en effet, se mit à venir prendre place, très régulièrement, dans le cercle particulier de Madame Scott, qui, tout comme Bettina, avait sa petite cour. Ce que Jean venait chercher là, c'était une protection, un abri, un lieu d'asile. Le jour de ce redoutable entretien sur les mariages sans amour, Bettina, elle aussi, pour la première fois, avait senti soudainement s'éveiller en elle ce besoin d'aimer qui dort, mais pas très profondément, dans le cœur de toutes les jeunes filles. La sensation avait été la même, au même moment, et dans l'âme de Jean et dans l'âme de Bettina. Lui, épouvanté, s'était brusquement rejeté en arrière. Elle, au contraire, s'était laissée aller dans toute la naïveté de sa pleine innocence, à cet accès d'émotion et d'attendrissement. Elle attendait l'amour, si c'était l'amour, l'homme qui devait être sa pensée, sa vie, son âme, si c'était lui, ce Jean. Pourquoi non? Elle le connaissait mieux qu'elle ne connaissait tous ceux qui, depuis un an, avaient tourbillonné autour de sa fortune, et dans ce qu'elle savait de lui, rien n'était fait pour décourager la confiance et l'amour d'une honnête fille. Loin de là. Tous deux, en somme, faisaient bien. Tous deux étaient dans le devoir et dans la vérité. Elle en se livrant. Lui en résistant. Elle en ne songeant pas une minute à l'obscurité de Jean, à sa pauvreté. Lui en reculant devant cette montagne de millions, comme il aurait reculé devant un crime. Elle en pensant qu'elle n'avait pas le droit de discuter avec l'amour. Lui, en pensant qu'il n'avait pas le droit de discuter avec l'honneur. Voilà pourquoi, à mesure que Bettina se faisait plus tendre et s'abandonnait avec plus de franchise au premier appel de l'amour, voilà pourquoi Jean devenait, de jour en jour, plus sombre et plus agité. Il n'avait pas seulement peur d'aimer, il avait peur d'être aimé. Il aurait dû rester chez lui. Ne pas venir. Il avait essayé. Il n'avait pas pu. La tentation était trop forte et l'emportait. Il arrivait donc. Elle venait aussitôt à lui, les mains tendues, le rire aux lèvres et le cœur dans les yeux. Tout en elle disait « Essayons de nous aimer, et si nous pouvons, aimons-nous. » La peur le prenait. Ses deux mains qui allait au-devant de l'étreinte de ses deux mains, c'est à peine s'il osait les toucher. Il tâchait d'échapper à ce regard, qui tendre et riant, inquiet et curieux, cherchait son regard. Il tremblait devant la nécessité de parler à Bettina, devant la nécessité de l'entendre. C'est alors que Jean se réfugiait auprès de Madame Scott, et c'est alors que Madame Scott recueillait des paroles indécises, émues, troublées, qui ne s'adressaient pas à elle, et qu'elle prenait pour elle cependant. Suzy ne pouvait guère ne pas s'y méprendre. Des sentiments encore vagues et confus qui l'agitaient. Bettina ne lui avait rien dit. Elle gardait et caressait le secret de son amour naissant, comme un avare garde et caresse les premiers louis de son trésor. Le jour où elle verrait clair dans son cœur, le jour où elle serait sûre d'aimer. Ah, comme elle parlerait ce jour-là, et comme elle serait heureuse de tout dire à Suzy. Madame Scott avait fini par s'attribuer l'honneur de cette mélancolie de Jean, qui prenait de jour en jour un caractère plus marqué. Elle en était flattée. Il ne déplaît jamais à une femme de se croire aimée. Elle en était donc flattée, mais chagrine en même temps. Elle tenait Jean en grande estime, en grande affection. Cela l'affligeait de penser que s'il était triste et malheureux, c'était à cause d'elle. Suzy avait d'ailleurs le sentiment de son innocence. Avec les autres, quelquefois elle était coquette, très coquette. Les tourmenter un peu, était-ce donc bien un grand crime? Ils n'avaient rien à faire, les autres. Ils n'étaient bons à rien. Cela les occupait, tout en l'amusant. Cela leur faisait passer leur temps, et à elle aussi. Mais Suzy n'avait pas à se reprocher d'avoir été coquette avec Jean. Elle se rendait compte de son mérite et de sa supériorité. Il valait mieux que les autres. Il était homme à souffrir sérieusement. Et c'est là ce que Madame Scott ne voulait pas. Aussi déjà, à deux reprises, avait-elle été sur le point de lui parler bien doucement, bien affectueusement. Mais elle avait réfléchi. Jean allait partir pour une vingtaine de jours. À son retour, si cela était encore nécessaire, elle lui ferait un peu de morale et saurait s'y prendre de telle manière que l'amour ne viendrait pas se jeter sottement à la traverse de leur amitié. Donc Jean partait le lendemain. Bettina avait insisté de toutes ses forces pour qu'il vînt passer cette journée à Longueval et pour qu'il dînât au château. Jean avait refusé, alléguant ses occupations à la veille de ce départ. Il arriva le soir, vers 10h30. Il était venu à pied. À plusieurs reprises sur la route, il avait failli retourner sur ses pas. « Si j'avais du courage, se disait-il, je ne la reverrai pas. Je pars demain et ne reviendrai plus à Souvigny, tant qu'elle y sera. » Ma résolution est prise, et bien prise. Mais il continua son chemin. Il voulait la voir encore, pour la dernière fois. Dès qu'il entra dans le salon, Bettina accourut au-devant de lui. « C'est vous, enfin ! Comme il est tard ! J'ai été très occupée. Et vous partez demain ? Oui, demain. De bonne heure ? À 5h du matin. » « Vous vous en irez par la route qui longe le mur du parc et traverse ensuite le village. »« Oui, c'est bien par cette route-là que nous partons. »« Pourquoi est-ce d'aussi grand matin ? Je serai allée vous voir passer et vous dire adieu du haut de la terrasse. » Bettina tenait et gardait dans sa main la main de Jean, qui était brûlante. Celui-ci se dégagea douloureusement, par un effort. « Il faut, dit-il, que j'aille saluer votre sœur. Tout à l'heure, elle ne vous a pas vue. Il y a 10 personnes autour d'elle. Venez vous asseoir un peu là, près de moi. » Il fut obligé de s'asseoir à ses côtés. « Nous aussi, dit-elle, nous allons partir. Vous ? Oui, nous avons reçu, il y a une heure, une dépêche de mon beau-frère qui nous a causé une bien grande joie. Il ne devait revenir que dans un mois. Il revient dans 12 jours. Il s'embarque après-demain matin à New York sur le Labrador. Nous irons l'attendre au Havre. Nous partirons après-demain. Nous emmenons les enfants. Cela leur fera du bien de passer une dizaine de jours au bord de la mer. Comme il sera content, mon beau-frère, de vous connaître. De vous connaître. Il vous connaît déjà. Nous lui avons parlé de vous dans toutes nos lettres. Je suis sûre que vous vous entendrez à merveille avec lui. Il est excellent. Vous resterez là-bas combien de temps ? 20 jours. 20 jours dans un camp ? Oui, mademoiselle, le camp de Cercotte. Au milieu de la forêt d'Orléans. Je me suis fait expliquer cela ce matin par votre parrain. Je suis heureuse, assurément, d'aller au-devant de mon beau-frère. Mais en même temps, je suis un peu fâchée de partir. Sans cela, tous les matins, j'aurais fait une petite visite à votre parrain. Il m'aurait donné de vos nouvelles. Voulez-vous, dans une dizaine de jours, écrire à ma sœur une petite lettre de 4 lignes? Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Pour lui dire comment vous vous portez et pour lui dire que vous ne m'oubliez pas. Oh, quant à vous oublier, quant à perdre le souvenir de votre grâce, de votre bonté. Jamais, mademoiselle, jamais. » Sa voix était tremblante. Il eut peur de son émotion. Il se leva. « Je vous assure, mademoiselle, qu'il faut que j'aille saluer votre sœur. Elle me regarde. Elle doit être étonnée. » Il traversa le salon. Bettina le suivait des yeux. Madame Norton venait de s'installer au piano pour faire valser les jeunes gens. Paul de la Vardenne s'approcha de Miss Percival. « Voulez-vous me faire l'honneur, mademoiselle ?»« Mon Dieu, répondit-elle, je crois bien que je viens de promettre à Monsieur Jean. Enfin, si ce n'est pas lui, ce sera moi. » C'est entendu. Bettina s'en alla vers Jean, qui venait de s'asseoir près de Madame Scott. « J'ai fait un gros mensonge, lui dit-elle. Monsieur de la Vardenne est venu m'inviter, et je lui ai répondu que je vous avais promis cette valse. Oui, n'est-ce pas? Vous voulez bien. » La tenir dans ses bras, respirer le parfum de ses cheveux. Jean se sentait à bout de force. Il n'osa pas accepter. « Je suis désolée, mademoiselle. Je ne peux pas. Je suis souffrant ce soir. J'ai tenu à venir, pour ne pas partir sans vous avoir fait mes adieux. Mais danser, non, je ne pourrai pas. » Madame Norton venait d'attaquer le prélude de la valse. « Eh bien, dit Paul, arrivant tout joyeux, est-ce lui, mademoiselle? Est-ce moi? » « C'est vous, dit-elle tristement, sans quitter Jean des yeux. Elle était très troublée et répondit cela sans trop savoir ce qu'elle disait. Elle regretta tout de suite d'avoir accepté. Elle aurait voulu rester là, près de lui. Mais il était trop tard. Paul la prit par la main et l'entraîna. Jean s'était levé. Il les regardait tous les deux, Bettina et Paul. Un nuage lui passa devant les yeux. Il souffrait cruellement. « Je n'ai qu'une chose à faire, se dit-il, profiter de cette valse et partir. Demain matin, j'écrirai quelques lignes à Madame Scott pour m'excuser. » Il gagna la porte. Il ne regardait plus Bettina. S'il l'avait regardée, il serait resté. Mais Bettina le regardait. Et tout d'un coup, elle dit à Paul, « Je vous remercie beaucoup, monsieur, mais je suis un peu lasse. Arrêtons-nous, je vous prie. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ?» Paul lui offrit le bras. « Non, je vous remercie, » dit-elle. La porte venait de se refermer. Jean n'était plus là. Bettina traversa le salon en courant. Paul resta seul, fort étonné, ne comprenant rien à ce qui se passait. Jean était déjà sur le perron lorsqu'il s'entendit appeler « Monsieur Jean! Monsieur Jean !» Il s'arrêta, se retourna. Elle était près de lui. « Vous partez sans me dire adieu ?»« Je vous demande pardon, je suis très fatiguée. » »« Alors, ne vous en allez pas ainsi à pied. Le temps est menaçant. » Elle étendit la main dehors. « Tenez, il pleut déjà. »« Oh, à peine !» « Venez prendre une tasse de thé dans le petit salon, seul avec moi, et je vous ferai reconduire en voiture. » Et se retournant vers l'un des valets de pied, « Dites que l'on attelle un coupé tout de suite. »« Non, mademoiselle, je vous en prie, le grand air me remettra. J'ai besoin de marcher. Laissez-moi partir. » »« Partez donc, mais vous n'avez pas de manteau. Prenez un châle pour vous envelopper. » « Je n'aurai pas froid, tandis que vous, avec cette robe ouverte, je pars pour vous obliger à rentrer. » Sans même lui tendre la main, il se sauva et descendit rapidement les marches du perron. « Si je touche sa main, se disait-il, je suis perdu. Mon secret m'échappe. » Son secret, il ne savait pas que Bettina lisait dans son cœur, comme dans un livre grand ouvert. Lorsque Jean fut arrivé au bas du perron, il eut un court moment d'hésitation. Cette phrase était sur ses lèvres. « Je vous aime, je vous adore, et c'est pour cela que je ne veux plus vous voir. » Mais cette phrase, il ne la prononce pas. Il s'éloigne. Il se perd bientôt dans la nuit. Bettina reste là, sur le perron, dans l'encadrement lumineux de la porte. De grosses gouttes de pluie, chassées par le vent, viennent cingler ses épaules nues et la font frissonner. Elle n'y prend garde. Elle entend distinctement battre son cœur. « Je savais bien qu'il m'aimait, » se dit-elle. « Mais je suis bien sûre maintenant que moi aussi. Oh oui, moi aussi. » Tout d'un coup, dans l'une des grandes glaces de la porte, elle voit le reflet des deux valets de pied qui se tiennent debout, immobiles, près de la table de chêne du vestibule. Bettina fait quelques pas dans la direction du salon. Elle entend des éclats de rire et la valse qui continue. Elle s'arrête. Elle veut être seule et s'adressant à l'un des domestiques, « Allez dire à madame que j'étais fatiguée, que je suis remontée chez moi. » Annie, sa femme de chambre, sommeillait dans un fauteuil. Elle la renvoie. Elle se déshabillera elle-même. Elle se laisse tomber sur un divan. Elle éprouve un accablement délicieux. La porte de sa chambre s'ouvre. C'est madame Scott. « Vous êtes souffrante, Bettina ?»« Ah, Suzy, c'est vous, ma Suzy. » Comme vous avez eu raison de venir, asseyez-vous tout près de moi. » Elle se blottit comme un enfant dans les bras de sa sœur, caressant de sa tête brûlante les fraîches épaules de Suzy, puis, soudainement, éclate en sanglots, en gros sanglots, qui l'étouffe, la suffoque. « Bettina, ma chérie, qu'est-ce que vous avez ?»« Rien, rien, ce sont les nerfs, c'est la joie. » « La joie ? Oui, oui, attendez, mais laissez-moi pleurer un peu, cela me fait tant de bien. N'ayez pas peur surtout, n'ayez pas peur. » Sous les baisers de sa sœur, Bettina se calme, s'apaise. « c'est fini, et je vais vous dire, j'ai à vous parler de Jean. »« Jean ? Vous l'appelez Jean ? » ?»« Oui, je l'appelle Jean. N'avez-vous pas remarqué ? Depuis quelque temps, comme il était triste et comme il avait l'air malheureux. Oui, en effet, il arrivait. Il allait tout de suite s'installer près de vous et restait là, absorbé, silencieux, à tel point que pendant plusieurs jours je me suis demandé « Pardonnez-moi de vous parler avec une telle franchise, c'est mon habitude, vous savez. » Je me suis demandé si ce n'était pas vous qu'il aimait, ma Suzy. « Vous êtes si charmante, et cela aurait été si naturel. Mais non, ce n'était pas vous, c'était moi. »« Vous ? Oui, moi. Écoutez bien. C'est à peine s'il osait me regarder. Il m'évitait, il me fuyait. Il avait peur de moi, peur évidemment. Eh bien là, en bonne justice, suis-je à faire peur ? Non, n'est-ce pas ? Assurément, non. » « Ah, c'est que ce n'était pas de moi qu'il avait peur. C'était de mon argent, de mon affreux argent. Cet argent qui les attire tous, les autres, et les tente si fort. Cet argent l'effraie, lui, et le désespère, parce qu'il n'est pas comme les autres, lui, parce que... Ma chérie, prenez garde, vous vous trompez peut-être. Oh non, non, je ne me trompe pas. Tout à l'heure, sur le perron, il partait. Il m'a dit quelques paroles. Ces paroles n'étaient rien. Mais si vous aviez vu son trouble, malgré tous ses efforts pour se contraindre. Suzy, ma Suzy, par la tendresse que je vous porte, et Dieu sait quelle est cette tendresse, voici ma conviction. Si au lieu d'être Miss Percival, j'avais été une pauvre petite fille sans argent, tout à l'heure, Jean m'aurait pris la main et m'aurait dit qu'il m'aimait. Et s'il m'avait ainsi parlé, savez-vous ce que je lui aurais répondu ? Que vous l'aimiez, vous aussi. Oui, et voilà pourquoi je suis si heureuse. C'est une idée fixe chez moi, d'adorer l'homme qui sera mon mari. Eh bien, je ne dis pas que j'adore Jean. Non, pas encore. Mais enfin, cela commence, Suzy. Et cela commence si doucement. Bettina, je suis inquiète de vous voir dans cette exaltation. Je veux bien que M. Reynaud ait pour vous beaucoup d'affection. Oh, plus que cela, plus que cela. Beaucoup d'amour, si vous voulez. Oui, vous avez raison, vous avez bien vu, il vous aime. Et n'êtes-vous pas digne, ma chérie, de tout l'amour qu'on aura pour vous? Quant à Jean, cela se gagne décidément. Voilà que moi aussi je l'appelle Jean. Eh bien, vous savez ce que je pense de lui. Bien souvent, toutes les deux, depuis un mois, nous avons eu l'occasion de nous dire « Je le place très haut, très haut. Mais enfin, malgré cela, est-ce bien le mari qui vous convient ?»« Oui, si je l'aime. J'essaye de vous parler raison. Et vous me parlez toujours. J'ai, Bettina, une expérience que vous ne pouvez avoir. Comprenez-moi bien. Dès notre arrivée à Paris, nous avons été lancés dans un monde très animé, très brillant, très aristocratique. Vous pourriez être déjà, si vous l'aviez voulu, marquise ou princesse. Oui, mais je ne l'ai pas voulu. Vous sera-t-il tout à fait indifférent de vous appeler Madame Reynaud ? Absolument, si je l'aime. Ah, vous revenez toujours. C'est que c'est la vraie question. Il n'y en a pas d'autre, et je veux être raisonnable à mon tour. Cette question, je vous accorde qu'elle n'est pas tout à fait résolue, et que je me suis peut-être un peu trop vite monté la tête. Vous voyez comme je suis raisonnable. Jean part demain. Je ne le reverrai que dans 20 jours. Je vais pendant ces 20 jours avoir tout le temps de m'interroger, de me consulter, de bien savoir, enfin, ce qui se passe en moi. Sous mes airs évaporés, je suis sérieuse et réfléchie. Vous le reconnaissez ? Oui, je le reconnais. Eh bien, je vous adresse cette prière comme je l'adresserais à notre mère si elle était là. Si dans 20 jours, je vous dis « Suzy, je suis certaine de l'aimer. Me permettrez-vous d'aller à lui, moi-même, toute seule, et de lui demander s'il me veut pour femme ? C'est ce que vous avez fait avec Richard, dites Suzy. Me le permettrez-vous ? Oui, je vous le permettrai. » Bettina embrasse sa sœur et lui murmure ces deux mots à l'oreille. « Merci, maman. » « Maman, maman, c'est ainsi que vous m'appeliez quand vous étiez une enfant, quand nous étions seules au monde, toutes les deux, quand je vous déshabillais le soir à New York, dans notre pauvre chambre, quand je vous tenais dans mes bras, quand je vous couchais dans votre petit lit, quand je vous chantais des chansons pour vous endormir. Et depuis lors, Bettina, je n'ai eu qu'un désir au monde, votre bonheur. C'est pour cela que je vous demande de bien réfléchir. Ne me répondez pas. Ne parlons plus de cela. Je vais vous laisser bien calme, bien tranquille. Vous avez renvoyé Annie. Voulez-vous que ce soir encore, je sois votre petite maman, que je vous déshabille, que je vous couche comme autrefois ? Oui, je le veux bien. Et quand vous serez couchée, vous me promettez d'être bien sage, sage comme une image. Vous ferez tout ce que vous pourrez pour vous endormir, tout ce que je pourrai, bien gentiment, sans penser à rien, bien gentiment, sans penser à rien. À la bonne heure. 10 minutes après, la jolie tête de Bettina reposait doucement parmi les broderies et les dentelles. Suzy disait à sa sœur, « Je vais en bas retrouver tout ce monde qui m'ennuie beaucoup ce soir. Avant de rentrer chez moi, je viendrai voir si vous dormez. Ne parlez pas. Endormez-vous. » Elle sortit. Bettina resta seule. Elle fut honnête. Elle fit, pour s'endormir, les efforts les plus sincères. Elle n'y réussit qu'à moitié. Elle tomba dans un demi-sommeil, dans un engourdissement qui la laissa flottante entre le rêve et la réalité. Elle avait promis de ne penser à rien. Et elle pensait à lui, cependant, toujours à lui, rien qu'à lui, mais vaguement, confusément. Combien de temps se passa, elle n'aurait su le dire. Tout à coup, il lui sembla qu'on marchait dans sa chambre. Elle entr'ouvrit les yeux et crut reconnaître sa sœur. D'une voix tout ensommeillée, elle lui dit « Vous savez, je l'aime. Chut, dormez, dormez. Je dors. » Elle s'endormait pour tout de bon, moins profondément cependant qu'à l'ordinaire, car vers 4 heures du matin, un bruit la réveilla en sursaut, qui la veille n'aurait aucunement troublé son sommeil. Une pluie tombait, torrentielle, et venait battre contre les grandes fenêtres de la chambre de Bettina. « Oh, la pluie !» se dit-elle, « il va être mouillé. » Ce fut sa première pensée. Elle se lève, traverse la chambre, pieds nus, entr'ouvre un volet. Le jour était venu, gris, bas, lourd. Le ciel était chargé d'eau. Le vent soufflait en tempête et faisait par rafales tourbillonner la pluie. Bettina ne se recouche pas. Elle sent qu'il lui serait tout à fait impossible de se rendormir. Elle met un peignoir et reste là devant la fenêtre. Elle regarde tomber la pluie. Puisqu'il faut absolument qu'il s'en aille, elle aurait voulu qu'il s'en allât par un beau temps, sous un grand soleil, éclairant sa première étape. En arrivant à Longueval, il y a un mois, Bettina ne savait pas ce que c'était qu'une étape. Elle le sait aujourd'hui. Une étape d'artillerie est une course de 30 à 40 kilomètres, avec une heure de halte pour déjeuner. C'est l'abbé Constantin qui lui a appris cela. Pendant leur tournée du matin chez les pauvres, Bettina accable le curé de questions sur les choses militaires et tout particulièrement sur le service de l'artillerie. 8 ou 10 lieues sous cette pluie battante. Pauvres gens. Bettina pense au petit Turner, au petit Norton, à Paul de la Verdenne, qui vont dormir bien tranquillement jusqu'à 10 heures du matin, pendant que Jean recevra ce déluge. Paul de la Verdenne, ce nom réveille en son esprit un souvenir qui lui est douloureux, le souvenir de ce tour de valse la veille. Avoir ainsi dansé, lorsque le chagrin de Jean était manifeste, ce tour de valse prend aux yeux de Bettina les proportions d'un crime. C'est horrible ce qu'elle a fait. Et ensuite, n'a-t-elle pas manqué de courage et de franchise dans ce dernier entretien avec Jean? Lui ne pouvait, n'osait rien dire, mais elle aurait dû montrer plus de tendresse, plus d'abandon. Triste et souffrant comme il était, jamais elle n'aurait dû lui permettre de s'en aller à pied. Il fallait le retenir à tout prix. L'imagination de Bettina travaille et s'exalte. Jean a dû emporter cette impression qu'elle était une mauvaise petite créature, sans cœur et sans pitié. Et dans une demi-heure, il va partir. Partir pour 20 jours. Ah, si elle pouvait par un moyen quelconque. Mais ce moyen, il existe. Le régiment va défiler le long du mur du parc, sous la terrasse. Voilà Bettina prise d'une envie folle d'aller voir passer Jean. Il comprendra bien, en l'apercevant là, à une pareille heure, qu'elle vient lui demander pardon de ses cruautés de la veille. Oui, elle ira. Mais elle a promis à Suzy d'être sage comme une image et faire ce qu'elle va faire. Est-ce bien être sage comme une image? Elle en sera quitte pour avouer à Suzy en rentrant. Et Suzy pardonnera. Elle ira. Elle ira. Seulement, comment s'habiller? Elle n'a sous la main qu'une robe de bal, un peignoir de mousseline, de petites mules à talons et des souliers de bal en satin bleu. Réveiller sa femme de chambre, jamais elle n'oserait. Et puis le temps presse. 5 heures moins un quart. Le régiment part à 5 heures. Elle peut se tirer d'affaire avec le peignoir de mousseline et les souliers de satin. Elle trouvera dans le vestibule un chapeau, ses petits sabots de jardin et le grand manteau écossais qu'elle met pour conduire les jours de pluie. Elle entr'ouvre sa porte avec des précautions infinies. Tout dort dans le château. Elle se glisse le long des murs, dans les couloirs. Elle descend l'escalier. pourvu que les petits sabots soient bien là, à leur place. C'est sa grande préoccupation. Elle les attache par-dessus les souliers de bal. Elle s'enveloppe dans le grand manteau. Elle entend que la pluie, au dehors, redouble de violence. Elle aperçoit un de ces immenses parapluies d'antichambre dont se servent les valets de pied quand ils montent sur le siège. Elle s'en empare. Elle est prête. Mais quand elle veut sortir, elle s'aperçoit que la porte-fenêtre du vestibule est fermée par une grosse barre de fer. Elle tâche de l'enlever, mais la barre de fer tient bon, résiste, et le grand cartel du vestibule fait entendre lentement 5 coups. Il part en ce moment. Elle veut le voir, elle veut le voir. Sa volonté s'irrite avec les obstacles. Elle fait un grand effort. La barre cède, glisse dans les rainures. Mais Bettina s'est fait à la main une longue estafilade qui laisse voir un mince filet de sang. Bettina tamponne son mouchoir autour de sa main. Elle prend son grand parapluie. Elle tourne la clé dans la serrure. Elle ouvre la porte. Enfin, la voilà dehors. Le temps est épouvantable. Le vent et la pluie font rage. Il faut 5 ou 6 minutes pour gagner cette terrasse qui a vue sur la route. Bettina se lance en avant, courageusement, tête baissée, enfouie sous son immense parapluie. Elle a déjà fait une 50aine de pas. Tout à coup, furieuse, folle, aveuglante, une bourrasque se jette sur Bettina, s'engouffre dans son manteau, l'entraîne, la soulève, lui fait presque quitter terre, retourne violemment le parapluie. Ce n'est rien encore. Le désastre est complet. Bettina a perdu un de ses petits sabots. Ce n'étaient pas des sabots sérieux. C'étaient de mignons petits sabots pour le beau temps. Et en ce moment, lorsque Bettina, désespérée, lutte contre la tempête, avec son soulier de satin bleu qui plonge dans le sable mouillé, en ce moment, le vent lui apporte l'écho lointain d'une sonnerie de trompette. C'est le régiment qui part. Bettina prend une grande résolution. Elle abandonne le parapluie, rattrape son petit sabot, le rattache tant bien que mal et part en courant avec un déluge sur la tête. Enfin, elle est sous bois. Les arbres la protègent un peu. Encore une sonnerie, plus rapprochée cette fois. Bettina croit entendre le roulement des voitures. Elle fait un dernier effort. Voici la terrasse. Elle est arrivée. Il était temps. Elle aperçoit à 20 mètres les chevaux blancs des trompettes et sur la route, elle voit onduler vaguement dans le brouillard la longue file des canons et des caissons. Elle s'abrite sous un des vieux tilleuls qui bordent la terrasse. Elle regarde. Elle attend. Il est là, parmi cette masse confuse de cavaliers. Pourra-t-elle le reconnaître? Et lui, la verra-t-il? Quelque hasard lui fera-t-il tourner la tête de ce côté? Bettina sait qu'il est lieutenant à la 2e batterie de son régiment. Elle sait qu'une batterie se compose de 6 canons et de 6 caissons. C'est encore l'abbé Constantin qui lui a appris cela. Il faut donc laisser passer la 1ère batterie, c'est-à-dire compter 6 canons, 6 caissons, et ensuite ce sera lui. C'est lui, en effet, enveloppé dans son grand manteau, et c'est lui qui le premier la voit, la reconnaît. Quelques instants auparavant, il s'était rappelé une longue promenade qu'il avait faite avec elle, un soir, à la nuit tombante sur cette terrasse. Il avait levé les yeux, et à cette place même où il se souvenait de l'avoir vue, c'était elle qu'il avait retrouvée. Il la salue, et tête nue, sous la pluie, se tournant sur son cheval à mesure qu'il s'éloigne, tant qu'il peut l'apercevoir, il la regarde. Il se redisait ce qu'il s'était déjà dit la veille. C'est la dernière fois. Elle, avec un geste des deux mains, lui envoyait ses adieux, et ce geste, plusieurs fois répété, amenait ses mains si près de ses lèvres, qu'on aurait pu croire. Ah, se disait-elle, si après cela, il ne comprend pas que je l'aime, et s'il ne me pardonne pas mon argent. Fin de la section 56, lue par Margot.